tilt that fuck. Je suis punk de Caroline de Cargario. Y a-t-il un monde avant le punk ? Le punk semble sorti de nulle part quand il déboule au milieu des années 70 dans l'Amérique post-nixonienne, la France de Giscard, le Royaume-Uni de la reine Elisabeth. Un monde ébranlé par la crise pétrolière et le début d'un chômage endémique, embourbé dans le conflit vietnamien pour les USA, cible quotidienne d'attentats sanglants en Europe. Le monde des années de plomb. Ni la contre-culture des derniers babas pacifistes et producteurs de fromage, ni la révolution et ses lendemains qui chantent des maoïstes issus de mai 68 ne font plus rêver les jeunes gens. Place au punk, une révolution culturelle, une vraie celle-là, où la laideur devient beauté et où l'on n'attend pas demain pour chanter. C'est tout de suite, là, ce soir, qu'on va se lancer sur scène. Depuis les années 50, le monde occidental est heureux. En pleine croissance, il produit, consomme, il libère même la femme grâce aux merveilles de l'électroménager. Cette brève parenthèse entre les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale et la crise des années 70 s'appelle en France les Trente Glorieuses. Cependant, dès 1968, commencent à s'élever des voix discordantes. On parle de la société de consommation de manière de plus en plus péjorative. Produire des biens de consommation utiles profite à beaucoup de monde dans la chaîne économique. Dès lors, pourquoi se limiter à l'utile ? Bientôt, pensent de concert politiques, économistes et industriels, la population jouira d'une honnête aisance et de l'usage d'une quantité prodigieuse de voitures, lave-linge et autres machines qui restent à inventer. Lightworks is the game girls play when they want someone to say the name of the game is you. Produire coûte énormément en matières premières et surtout en énergie. Aussi, le choc pétrolier de 1973, multipliant par 4 le prix du pétrole en une seule année, a des conséquences dramatiques sur l'économie occidentale. C'est la fin des Trente Glorieuses. Si la France n'a pas de pétrole, elle a des idées. Et elle le prouve avant même l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, en lançant un programme nucléaire de grande ampleur. À une époque où, confortablement assis dans un fauteuil rustique, l'on tricote des pulls en laine mèche et où l'on porte sabots, ces idées bien françaises ne sont pas du goût de tout le monde. Aussi propose-t-on bientôt à ceux que l'atome n'enchante guère de se livrer à un nouveau sport, la chasse au gaspillage. Sortie de l'imagination fertile du service d'information du gouvernement, la bête, boursouflée et rosâtre, nantie d'un énorme nez, de pieds plats surdimensionnés et d'un petit entonnoir sur la tête, est immonde. Ainsi sensibilisée au caractère monstrueux du gaspillage et assurée de bénéficier bientôt, grâce au nucléaire, d'une électricité bon marché, la France retrouve un peu le sourire. Ce n'est pas tout à fait le cas de l'autre côté de la Manche. Quand arrive le choc pétrolier, la décolonisation de son empire a déjà gravement fragilisé le Royaume-Uni, sans parler de l'énorme dette contractée à l'issue de la Seconde Guerre mondiale auprès des États-Unis. Dans l'euphorie du Swinging London, cette fragilisation est passée inaperçue, au point que l'Angleterre est le seul pays qui n'a pas connu son mai 68. Mais la dégradation économique devient bien visible à partir de 1970 et les grèves ne cesseront plus. Le nouveau gouvernement travailliste de James Callaghan est acculé. Il doit demander une aide au FMI, un prêt de 4 milliards de dollars. Cette annonce fait l'effet d'un coup de tonnerre. Les Britanniques sont complètement anéantis. Hier encore, ils étaient les maîtres du monde. Que s'est-il passé ? Ils en perdent leur confiance dans les vertus traditionnelles du tea time, des policiers sans armes, et même dans celles de leur reine bien-aimée. À À cette époque, le centre de Londres évoque plus les taudis victoriens que la capitale futuriste d'aujourd'hui. Du fait des restrictions budgétaires, la municipalité laisse à l'abandon des quartiers entiers. Les immeubles se dégradent et bientôt tombent en ruine. Pendant que les spéculateurs immobiliers attendent patiemment leur heure, ces lieux sont massivement investis par les squatteurs. De nombreux punks, à commencer par Joe Strummer, fondateur de The Clash, vont émerger de ce mouvement des squats. Le quotidien est devenu insupportable pour certaines catégories de la population britannique. Pourtant, de la représentation de ce même quotidien va jaillir toute une esthétique, bien éloignée de l'esthétique hippie. Une esthétique du sordide et de la ville, inspirée par des lieux comme Manchester, qui fut au XIXe siècle le berceau de la révolution industrielle. C'était alors une ville riche et laide, complètement ruinée par la récession économique, elle est devenue une ville pauvre et laide. L'un des membres de Joy Division témoigne qu'il n'a pas vu un arbre pendant toute son enfance. J'étais là dans les coulisses, quand la première lumière est apparue. J'ai grandi comme un changelin, pour la première fois. Je peux voir toutes les faiblesses, je peux choisir toutes les erreurs. Eh bien, je concède tous les serments. Juste un pieu dans ta gorge. J'ai traîné dans ta bande-son pour refléter tout ce que t'as fait. Pour trouver le bon côté de la raison, pour tuer les trois mensonges pour un seul. Je vois tous les faits bruts. Je peux voir à travers tes yeux. Tout cet entretien n'a pas fait de contact. N'importe comment, nous avons essayé avec ardeur. Outre-Atlantique, le moral n'est pas non plus au beau fixe. Suite au Watergate, le président Nixon démissionne en 1974. Au printemps de l'année suivante, les dernières forces américaines, vaincues, quittent le Vietnam. Ainsi s'achève une guerre qui a duré plus d'une décennie, une guerre que le journal télévisé de toute la planète a transformée en feuilleton quotidien pour la génération des futurs punks. Les Américains sont humiliés, dégoûtés de l'engagement militaire, de la contestation et de la politique en général. Quant à la ville de New York, elle est crasseuse et délabrée, un dépotoir qui n'a pas grand-chose à envier à Londres, hormis ses loyers dérisoires. À la même époque, le centre de Paris est un immense chantier à ciel ouvert, surnommé le Trou des Halles. Le déménagement des fournisseurs de produits alimentaires frais vers Rungis et le démantèlement des pavillons Baltard, effectué en 1969, ont laissé la place libre à plusieurs grands projets d'urbanisme. La construction du centre Beaubourg, de la gare RER Châtelet-Les Halles et du Forum des Halles rend ce quartier, anciennement populaire, peu habitable. Un chantier, c'est plein de bruit et de poussière, et celui-là va durer des années. Aussi, comme à Londres et à New York, il est investi par de jeunes adultes sans grands moyens, artistes, créateurs de vêtements, vendeurs de t-shirts, disques, revues. Les Halles, un quartier très central et en plein bouleversement, va bientôt concentrer une grande partie des forces vives du punk parisien. Dans la foulée du choc pétrolier, à Paris comme à Londres, apparaît le spectre du chômage. En France, pourtant, la situation est loin d'être aussi dramatique, mais la fin du plein emploi signe aussi celle d'un mode de vie détendu et bohème. Terminer les petits boulots que l'on exerçait durant quelques mois afin de payer son billet pour l'Inde. L'inquiétude du lendemain ne rentre pas instantanément dans les mœurs, mais cela ne va plus tarder. Et les écoles de commerce deviennent progressivement plus attirantes que la fac de philo. À la même époque, enlèvements politiques et attentats meurtriers se multiplient en Europe. C'est le début des années de plomb. Les raisons de cette vague terroriste sont diverses. Indépendantistes, conflits israélo-palestiniens, bande à Bader en Allemagne, brigade rouge en Italie ou encore action directe en France, des dizaines d'attentats ensanglantent l'Europe de l'Ouest et distillent une atmosphère anxiogène. Largement relayée par le JT Vespéral, cette ambiance délétère contribue à forger la sensibilité des punks. Avec pour résultat, comment s'en étonner, de dégoûter la plupart de ceux-ci de l'action politique, qu'elle soit violente ou inscrite dans les formes de la démocratie. En 1970, les futurs punks ont dans leur grande majorité une dizaine d'années. Et chaque soir, pendant qu'ils avalent la soupe qui leur permettra de grandir, la télévision leur sert une copieuse ration de corps explosés, de villages calcinés au napalm, de GI casqués brandissant des mitraillettes. Lorsque la guerre du Vietnam se termine en 1975, celle du Liban est déjà commencée. Le flot des images choc n'est pas prêt de se tarir à la télévision. En 1976, le président Mao disparaît. Et avec lui, la référence d'un modèle politique qui en a inspiré plus d'un, mais pour des raisons générationnelles, très peu de punks. Sa mort les touche à peu près autant que celle du président Pompidou 2 ans auparavant, ou celle du général Franco l'année précédente. Il s'agit pour eux d'une génération de vieillards qui ont largement fait leur temps, ni plus ni moins. Du fait de leur âge, les futurs punks sont donc cantonnés au début des années 70 dans le rôle du spectateur. Que voient-ils ? Leurs aînés, grands frères, grandes sœurs, héritiers de 68, maoïstes, trotskistes, anarchistes, féministes, ceux-ci contestent, manifestent, militent, distribuent des tracts, refont le monde et préparent la révolution. Qui montent des usines, nos voix de prolétaires qui disent y en a marre, marre de se lever tous les jours à 5 heures pour prendre un car, un train, parqué comme du bétail, marre de la machine qui nous saoule la tête, marre du chefaillon, du chrono qui nous crève, marre de la vie d'esclave, de la vie de misère. Écoutez-les, nos voix, elles annoncent la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans. Cette jeunesse contestataire ne représente qu'une infime minorité, mais elle est la plus visible, celle qui va symboliser l'époque. Caractérisée par le goût de l'action et de l'engagement, elle est persuadée qu'on peut changer le monde. Quelques armes peuvent aider, bien sûr, mais il est également possible de changer le monde là où l'on se trouve, de manière pacifique. D'où les expériences de vie communautaire dans des fermes en ruines ou sous des tipis à l'indienne, pour un retour à la nature parfois utopique. Changer le monde, c'est aussi changer les comportements. On réinvente les rapports humains, la société. La jalousie amoureuse est quelque chose qu'on se refuse à avouer, même si on a le malheur de la ressentir. Cette génération prône donc l'amour libre et l'interdiction de tout sentiment de propriété, par exemple sur les enfants. Les slogans « Peace and love » et « Faites l'amour, pas la guerre » sont encore dans toutes les mémoires. Ils donnent une idée très précise de l'attitude positive à l'égard de la vie et du monde qu'ont les baby-boomers. Puisque c'est d'eux qu'il s'agit, les enfants nés après 1945, les enfants de l'espoir. La réalité se révèle un peu différente de l'utopie, surtout pour les femmes qui, dans cette enivrante atmosphère de remise à plat des comportements ancestraux et aliénation en tout genre, restent vouées aux tâches ménagères. Beaucoup d'entre elles, déçues et en colère, se tournent alors vers le féminisme. En France, c'est la création du MLF. Écologie, agriculture naturelle, respect de son corps, le mode de vie hippie est bien connu tant il a été popularisé jusqu'à la caricature. Respecter son corps mène aussi à le laisser respirer dans des vêtements amples, taillés dans des matières naturelles, et à intervenir de façon minimale sur des processus également naturels comme la pousse des cheveux, barbe, moustache et autres poils. Proche de la nature signifie aussi pour beaucoup proche de sa nature intérieure. Et le mouvement hippie renoue avec une sphère spirituelle bien oubliée par une population dont la faculté d'adoration a été récupérée par les supermarchés. La mode est également touchée. Le glam ou glitter, caractérisé par la coupe de cheveux mulets, le satin, rose de préférence, les jabots de dentelle et les plateformes shoes vertigineuses, perd du terrain à partir de 1972 au profit d'un style plus hippie, qui marie plus ou moins harmonieusement influences exotiques, on dirait aujourd'hui ethniques, et paysannes. Les années 60 avaient inventé la mini-jupe. Dès 1970, celle-ci commence à rallonger jusqu'à bientôt frôler le sol. Les robes prennent des allures de chemise de nuit et taillées dans du coton Liberty à fleurettes s'invitent en tant que tenue habillée dans les soirées dansantes. Les tissus indiens se faufilent partout, du foulard au-dessus de lit à la tenture sur le mur. Les vestes afghanes en peau de chèvre se portent sur des chemises de grand-père ou des blouses romantiques en linon blanc, rebrodées ou incrustées de dentelles. Les cheveux sont longs pour les deux sexes, très longs même. Ils flottent librement sur les épaules, bouclés parfois et même frisés. Les hommes affichent une apparence que les mieux intentionnés qualifient de christique, les autres préférant le terme de clochard. Cet idéal de beauté des beautiful people ou flower people, comme ils se nomment eux-mêmes, n'est certes pas l'apanage de toute la société, tant aux États-Unis qu'en Europe, puisqu'il ne concerne que les membres d'une contre-culture. Cependant, il imprègne peu à peu les codes de tout un chacun. Côté musique, depuis les groupes de rock des années précédentes 1968, la situation a beaucoup évolué. Des groupes minimalistes, guitare, basse, batterie, qui jouaient des morceaux speedés de 3 minutes maximum, on est passé à des formations de musiciens qui explorent toutes les possibilités des nouvelles machines électroniques. Avec de tels jouets à sa disposition, il serait dommage de s'en tenir à 3 minutes, franchement. Ce serait gâcher du bon matériel. Aussi n'est-il pas rare de voir désormais les morceaux s'étirer vers le quart d'heure, bientôt la demi-heure. Il est clair que les musiciens de la première moitié des années 70 ont perdu en humilité. Ils sont devenus des artistes avec un grand A. Insensiblement, on est passé de la musique populaire, la pop, à une musique savante qui lorgne sans vergogne du côté de la musique contemporaine ou encore de l'opéra. Elle devient très technique, quasi impossible à reproduire sur scène. Les concerts se font rares. Pour des raisons évidentes de rentabilité, ils ont lieu dans des endroits de plus en plus gigantesques. Si bien que les stars s'éloignent de leur public. Et pas seulement au niveau spatial. Elles vieillissent, elles ont passé la trentaine, ce qui aux yeux des 18-20 ans en fait d'épouvantables vieux barbons. Dans les années 50 et 60, les musiciens de rock étaient les porte-paroles naturelles de leur public, car ils avaient les uns et les autres le même âge, les mêmes préoccupations, le même profil socio-culturel. En revanche, en 73, l'âge des Stones s'échelonne de 30 à 37 ans. Aucune identification n'est plus possible. D'autant qu'un autre facteur tend à accroître encore le fossé entre star et public. Ce nouveau statut de star, justement, qui apporte argent, limousine, grands hôtels, villas sur la Côte d'Azur, mariage avec des top modèles, évolution dans la jet-set internationale. Phil Pressing, batteur du groupe Star Shooter, résume bien le sentiment de ses contemporains. On se braque contre ceux qui veulent récupérer la génération des 20 ans, qui font toujours croire qu'ils en ont 20 alors qu'ils en ont 35, qui prétendent représenter une génération à laquelle ils appartiennent plus. À 35 ans, on réagit pas comme à 20. Nous, on a pas la même histoire. Par exemple, on n'a pas vécu mai 68. Ça a marqué toute une génération d'artistes. Donc nous, on réagit différemment. À côté des immenses stars qui ont propulsé le rock vers de nouvelles dimensions, il est un autre courant, extrêmement vigoureux à cette période, le folk. un courant musical qui, bien campé dans ses sabots, est fortement enraciné dans le terroir. Il se veut héritier d'une tradition populaire, à l'image d'un Alan Stivell qui déclare puiser son inspiration dans un millénaire ou moins de musique celtique. Référence à la tradition qui n'empêche pas les musiciens de folk d'agir ici et maintenant. Nombre de manifestations anti-armées, comme au Larzac, ou anti-nucléaires, sont appuyées par la présence de ces groupes très investis dans l'action politique. Pourtant, entre 1972 et 1975, tout le monde ne portait pas la barbe parfumée au patchouli, en fumant du hash et en écoutant de la musique planante ou traditionnelle. J'ai vu le président cracher dans un calice, ouais. J'ai vu le président se soigner les varices. J'ai vu son firmament se dépuceler d'étoiles. J'ai vu mes 32 dents se transformer en poils. Ta gueule, me dit l'apôtre, au cul, me dit l'évêque. Si tu veux être des nôtres, il faut clouer ton bec. C'était si simple, je fermerais ma gueule. C'est en effet l'époque où démarre la musique disco, qui a vocation à faire danser les gens et non les endormir. Je prendrais l'allée simple. C'est l'époque où David Bowie sort Jean Genie, puis Rebel Rebel, morceau court, tendu, idéal pour danser le rock. J'aimerais y aller seul. Or, le rock français est à l'époque dominé par deux groupes, Magma et Ange. Le premier navigue à la lisière du jazz expérimental, le second puise son inspiration poétique dans un univers moyenâgeux qu'il met en scène avec des techniques proches du théâtre. En 1976, Ange est encore la référence. La réussite du groupe démontre qu'une pop à la française peut vivre si elle se donne la peine d'être originale, peut-on lire dans un ouvrage consacré au rock français. Une vie qui est pourtant tout près de son terme. Car cette originalité grandiloquente, nourrie de références à l'histoire et au passé paysan de l'Hexagone, est en train de manquer son rendez-vous avec le monde contemporain. 1977 arrive, et avec lui le punk qui va tout balayer. C'était « Je suis punk » de Caroline de Kergario. 4. Y a-t-il un monde avant le punk ? Avec Elodie Hubert, Romeric Seguin, Mathurin Vops, Aymeric Le Serre. Équipe de démolition, Emmanuel Chevrière, Éric Villenfin, Laetitia Delgado, Laure Chastan, Jean-Mathieu Zand. Nos futurs, une histoire du punk de Caroline de Kergario est publiée aux éditions Perrin. Punk's Not Dead, à demain.